La poésie philosophique et religieuse chez les Persans d'après le Mantique Utaïr, ou le langage des oiseaux de Farid du Dinatar. Ici commence un nouvel acte du drame mystique que j'analyse. Déjà nous avons vu les oiseaux les plus connus venir discuter avec la huppe, qui n'était pas officiellement leur chef, actuellement que le sort l'a désigné pour ce rôle et que les oiseaux ont promis de lui obéir, il semblerait qu'ils n'ont plus qu'à la suivre dans le voyage mystérieux qui a été résolu, mais il n'en est pas ainsi. Les oiseaux hésitent encore, et ils viennent discuter de nouveau avec la huppe. Cette fois même les interlocuteurs sont plus nombreux qu'en premier lieu, car ils sont au nombre de 22, tandis qu'ils n'étaient d'abord que 12. De plus, ils ne sont pas désignés par leur nom, mais simplement par l'expression d'un oiseau, Taïré, et même rien n'indique les oiseaux dont il s'agit, à l'exception du faucon, dont le discours offre des allusions qui le désignent évidemment. Je suis donc forcé, en reproduisant une partie de cette discussion, de rester dans le vague où nous a mis Attar. On s'apercevra facilement que les dialogues entre la huppe et ces différents oiseaux ne sont qu'un cadre pour placer des réflexions religieuses et mystiques. Un premier oiseau, ami de l'égalité, reproche à la huppe de se poser comme supérieure aux autres oiseaux, tandis qu'elle est de la même catégorie d'êtres. Il lui demande s'ils sont coupables de quelque faute inconnue, en sorte qu'ils soient impurs tandis qu'elle est pure. Dans sa réponse, la huppe fait allusion à la gratuité de l'élection de Dieu, représentée par la foi. Puis Attar modifie ce principe trop général, en annonçant la nécessité des œuvres et leur genre d'importance, malgré leur nullité réelle. On voit qu'Attar fait toujours ses efforts pour rester dans l'orthodoxie musulmane, écoutons ses propres expressions. « Ne néglige jamais l'obéissance, dit-il, mais ne mets aucun prix à cette obéissance. Passe ta vie dans l'obéissance, et alors tu obtiendras un regard du véritable Salomon. » Pour donner une idée de la grâce efficace figurée dans Saadi par l'essence de rose qui en s'unissant à la ville argile lui transmet son odeur, Attar donne ici une touchante parabole, qui offre un souvenir lointain de la pêche miraculeuse de l'évangile, lorsque saint Pierre, qui n'avait rien pris pendant toute la nuit, vit son travail béni par la puissance du Sauveur, et son filet se remplir de poissons gros et petits, Luc 5, 5. Écoutons Attar. On raconte qu'un jour le roi Mahmud avait été accidentellement séparé de son armée, tout seul, sans escorte, il poussait en avant son cheval vite comme le vent, lorsqu'il vit un enfant, assis au bord d'une rivière, lequel avait jeté son filet au fond de l'eau. Le roi lui fit signe de s'approcher et le fit mettre devant lui. Or, cet enfant était triste, il avait le cœur serré et l'âme froissée. « Cher enfant, lui dit le roi, quelle est la cause de ton chagrin? Je n'ai jamais vu personne aussi affligé que toi. » L'enfant lui dit, « Sire, nous sommes cet enfant sans père. Nous avons encore notre mère. Mais elle est fort pauvre et sans appui. Je jette tous les jours mon filet pour pêcher du poisson, afin d'avoir un gîte pour la nuit. C'est seulement quand j'ai pris du poisson, après beaucoup de peine, que nous avons de quoi vivre ce soir-là. Veux-tu, pauvre enfant, lui dit le roi, que je m'unisse à toi dans ta tâche? L'enfant y consentit. Et Mahmud jeta dans la rivière le filet qui participa au bonheur du roi, et prit ce jour-là sans poisson. Si tu restes dans l'isolement, poursuit Attar, tu ne pourras franchir le chemin du spiritualisme. Il te faut un pire, directeur. Ne va pas seul, n'entre pas à l'aveugle dans cet océan, puisque tu ignores entièrement ce que tu dois faire pour sortir du puits du monde, comment pourras-tu te passer d'un guide sûr ? Attar termine cette tirade par cette sorte de proverbe oriental, dans la main de celui qui est uni au bonheur, les épines se changent en roses. Un second oiseau se plaint de sa faiblesse, la huppe répond, le monde est une fange immonde, les créatures y périssent à chaque porte, des milliers de personnes, comme le ver à soie qui jaunit, meurent au milieu des pleurs et de l'affliction. Il vaut mieux perdre misérablement la vie dans la recherche que je propose, que de languir désolé dans l'infamie. Après avoir encore exprimé, sous une autre forme, les mêmes idées, Attar s'écrie. Quelqu'un dira que le désir des choses spirituelles est de la présomption, et qu'on ne saurait parvenir là où n'est parvenu personne. Mais ne vaut-il pas mieux sacrifier ma vie dans l'orgueil de ce désir, que d'attacher mon cœur à la boutique de ce monde? J'ai tout vu et tout entendu, et rien n'a ébranlé ma résolution. J'ai eu longtemps affaire avec les hommes, et j'ai vu combien il y en a peu qui soient vraiment détachés des richesses. Tant que je ne mourrai pas à moi-même, et que je ne serai pas indifférent aux créatures, mon âme ne sera pas libre. Confère, Imitation, Livre 2, Chapitre 7. Un mort vaut mieux que celui qui n'est pas entièrement mort aux créatures, car il ne sera jamais admis derrière le rideau. L'amour ne laisse pas l'homme en repos un seul instant, il le tue, et il demande en outre le prix du sang. L'eau qu'il lui donne à boire, ce sont des larmes, et le pain qu'il lui donne à manger a du sang pour le vin. Tant que tu flotteras dans l'océan profond du monde, les vagues te repousseront et te recevront tour à tour. Allusion à l'élection et à la réprobation. Tantôt tu seras admis dans la Kaaba, tantôt tu devras reposer dans une pagode. Si tu retires la tête de cet abîme, tu jouiras d'un bonheur constant, mais si tu continues à y demeurer, la tête te tournera comme une meule, et tu ne trouveras pas un seul instant le parfum de la tranquillité. Un troisième oiseau confesse qu'il est couvert de péché, et qu'ainsi il n'ose aller à la recherche de l'être parfait qui lui est annoncé. La huppe l'encourage par la pensée de la grâce céleste. Son allocution rappelle le dogme chrétien, si consolant pour les pécheurs, de l'infinie miséricorde de Dieu, qui rend, pour me servir de l'expression d'Isaïe, 1:18, plus blanc que la neige les péchés rouges comme l'écarlate, et qui, selon les paroles de saint Paul, couvre l'abondance du péché par la surabondance de la grâce, Romains 5:20. Ne désespère pas, lui dit-elle, demande à Dieu sa grâce et son éternelle faveur. Si tu jettes si facilement ton bouclier loin de toi, ton affaire deviendra difficile. Songe, au contraire, que la chute est utile, puisqu'elle donne lieu au repentir. Confère, Psaume 118-71. Lorsque tu as péché, la porte du repentir reste ouverte, fais donc pénitence. Ici se trouvent plusieurs anecdotes. En voici une dont le but est de prouver l'appréciation que Dieu fait, dans sa bonté, de la pureté d'intention. Une nuit, dit Attar, l'ange Gabriel était assis sur le sidra, un des arbres du paradis, lorsqu'il entendit Dieu prononcer des paroles d'acquiescement. En ce moment, un homme invoque Dieu, dit Gabriel en lui-même, mais j'ignore où il peut se trouver. Tout ce que je sais, c'est qu'il doit être un éminent serviteur de Dieu dont l'âme concupiscente est morte, et dont l'esprit est vivant. Gabriel voulut savoir alors où était cet homme, mais il ne put le trouver dans l'est climat. Il parcourut la terre et la mer, il ne le trouva ni sur la montagne ni dans la plaine. Il se hâta de revenir auprès de Dieu, et il entendit encore une réponse favorable aux mêmes prières. Dans son extrême anxiété, il parcourut une autre fois le monde. Cette fois encore, il ne vit pas ce serviteur, et il dit, « Ô Dieu, indique-moi donc la voie qui doit me conduire auprès de l'objet de tes faveurs. Dirige-toi vers le pays de Rhum, répondit Dieu à Gabriel, va dans un tel couvent, et tu le verras. » Gabriel alla, et découvrit celui qu'il cherchait, et précisément cet homme, invoquait une idole. À son retour, Gabriel délia sa langue et dit à Dieu, « Ô maître du monde, écarte loin de moi le voile de ce secret. Quoi, tu exauces avec bonté celui qui invoque une idole dans un couvent ? Il a le cœur obscurci, répondit Dieu, il ignore que par là il s'égare dans son chemin. Comme il a erré par ignorance, je pardonne son erreur, ma bonté l'excuse, et je lui donne même accès au rang le plus distingué. » Enfin, Atta revient à son thème favori de l'unité. Il voit dans l'homme Dieu lui-même, ce qui est en effet une conséquence des prémices antérieures. Voici ses propres paroles. « Il y a, dit-il, bien des choses à considérer dans la voie spirituelle. Une goutte d'eau est là un océan de miséricorde. Nuit et jour, les sept sphères célestes, ô mon enfant, sont employées pour toi. L'obéissance à Dieu de la part des esprits célestes a lieu en ta faveur. Le ciel et l'enfer sont le reflet, l'un de ta bonté, l'autre de ta méchanceté. Le corps n'est pas distinct de l'âme, il en fait partie, et l'âme n'est pas distincte du tout, elle en est membre. Mais dans le chemin de l'unité il n'y a pas de nombre, on ne doit jamais y parler ni de portion ni de tout. Tout ce que font les anges, ils le font pour toi, ô homme, ainsi qu'il est dit dans le Coran 21:30. Le Créateur te prodigue, en effet, tout leur service, comme une éternelle pluie de perles. Un quatrième oiseau présente l'image fidèle de l'homme abandonné à lui-même, qui flotte entre le bien et le mal, entre la piété et le relâchement, qui ne fait pas le bien qu'il aime, mais le mal qu'il déteste. Ainsi que le dit saint Paul de lui-même, Romains 7, 15. Je suis lâché paresseux, dit cet oiseau, je ne sais que sauter d'une branche à l'autre. Tantôt je suis libertin, tantôt abstinent. Tantôt je vais dans les tavernes, tantôt je me livre à la prière. Quelquefois le diable me détourne de la route spirituelle, d'autres fois les anges m'y font rentrer. La huppe console cet oiseau timide par des paroles conformes à l'orthodoxie musulmane. Si tous étaient originairement purs, lui dit-elle, Dieu y aurait-il été obligé d'envoyer les prophètes? En t'attachant à l'obéissance, tu arriveras au bonheur, tant que tu ne t'élèveras pas, comme une montagne, à la recherche de Dieu, tu n'auras ni repos ni félicité. Ô toi qui résides dans les étuves de la paresse, et qui es cependant plein de désirs, tes larmes de sang dévoilent les secrets de ton cœur, tandis que sa rouille annonce la satiété du bien-être. Si tu continues à fomenter les passions de ta chienne d'âme, tu ne seras jamais qu'un impuissant hermaphrodite. Plus loin tard, par l'organe de la huppe, parle aussi bien que pourrait le faire un prédicateur chrétien. Sois un homme de Dieu, dit-il enfin, ne cherche la gloire qu'en Dieu. Confère, psaume 113, 9. Lorsque tu caches cent idoles sous ton froc, pourquoi te montrer soufi devant les hommes? Un cinquième oiseau se plaint d'une manière plus explicite que le quatrième, de ce qu'en lui l'élément du mal domine celui du bien. Je suis mon propre ennemi, dit-il à la huppe, comment m'aventurer dans ce chemin, puisque je conduis avec moi le voleur qui doit m'arrêter? Mon âme brutale ne veut pas se soumettre, je ne sais même comment sauver mon âme spirituelle. Je reconnais bien le loup dans les champs, mais cette chienne d'âme, belle en apparence, ne m'est pas encore bien connue. L'âme spirituelle est celle qui incline vers le bien, et l'âme concupiscente, la chienne d'âme, comme dit Attard, c'est la partie de l'âme, si je puis parler ainsi, qui incline vers le mal. Ce sont les mauvais penchants que nous a légués le péché originel. Dans sa réponse, la huppe s'étend sur le danger de se laisser dominer par cette âme sensuelle. Ton âme concupiscente, dit-elle, est à la fois borgne et louche. Il n'est pas bon que cette âme parvienne artificieusement à se fortifier. Dans l'enfance, tout a été inutilité, faiblesse et insouciance. Dans la jeunesse, tout a été singularité et démence. Dans la vieillesse, l'âme devient languissante et le corps débile. Avec une telle vie préparée par la folie, comment l'âme pourra-t-elle s'orner des qualités spirituelles? Comme nous vivons dans l'insouciance, du commencement jusqu'à la fin, le résultat que nous obtenons est nul. L'homme finit par obéir à son âme brutale. Le chagrin fait périr des milliers de cœurs, mais cette âme infidèle ne meurt jamais. Nous sommes tous sous la domination de cette âme infidèle et désobéissante que nous entretenons en nous-mêmes. L'esprit, comme un cavalier, parcourt avec confiance le royaume spirituel, mais, jour et nuit, cette âme est son commensal. Le cavalier a beau faire galoper son cheval, cette âme le suit sans relâche comme un chien. Toutefois celui qui liera ce chien avec vigueur prendra dans son filet le lion des deux mondes. Celui qui l'a servi devancera tellement ses rivaux, qu'ils n'atteindront pas même la poussière que font élever ses pieds. Un sixième oiseau se présente sur la scène. Celui-ci se plaint du démon de l'orgueil, qui l'empêche de se réunir à ses compagnons dans le voyage mystique qu'il s'agit d'entreprendre. Il demande à la huppe comment il pourra résister à ses obsessions et être vivifié par le vin du spiritualisme. Tant que tu ne seras pas délivré de ton âme concupiscente, répond la huppe à cet oiseau, en proie à la tentation, le démon ne te laissera pas tranquille. Il emploie ses agaceries pour te tromper. Bien plus, chacun de tes désirs est un démon pour toi. Le monde est pareil au chauffoir des bains et à une prison. Que dis-je? Il est la part du diable. Confère, Matthieu 4, 8, 9. Retire-en donc entièrement ta main. Je mange du pain à la table de Dieu, disait un individu. Et néanmoins j'obéis au démon. Il en est ainsi de toi, le démon te détourne de la bonne voie, et tu ne dis pas même la prière jaculatoire qui commence par les mots là-haut, il n'y a de force et de puissance qu'en Dieu. Tu es enveloppé dans les soucis du monde, sa poussière couvre ta tête, comme un corps mort. L'amour du monde a enlevé de ton cœur le goût de la foi, et de vains désirs ont absorbé ton âme. Qu'est le monde, sinon un nid de passion et de désirs? Il n'a pu suffire à Pharaon et à Némrod, Corée n'y a fait que passer, et Shaddad l'a péniblement possédé. Dieu a proclamé le néant du monde, pourquoi donc te laisses-tu prendre dans son filet? Jusqu'à quand t'occuperas-tu de cette terre où l'on ne voit que vanité et impureté? Comment celui qui se perd dans ce vil atome peut-il être un homme digne de ce nom? Le monde est un feu brillant où vient à chaque instant se brûler une nouvelle créature. Détournes-en bravement les yeux comme le lion, si tu ne veux pas t'y brûler comme le papillon. L'insensé qui, avec cet insecte, adore le feu, s'y brûlera nécessairement. Un septième oiseau, peut-être la perdrix, se présente ensuite et vient à son tour faire à la huppe ses doléances. Celui-ci est tourmenté par le démon de l'avarice. Ce vice, en effet, détourne de Dieu plus que tout autre peut-être. L'avidité pour les biens du monde éloigne la pensée des biens spirituels. J'aime l'or, dit cet oiseau, l'amour de ce métal est en moi comme l'amande dans sa pellicule. Tant que l'or n'est pas dans ma main, comme un bouquet de roses, je ne puis jouir du repos. L'amour du monde et de l'or du monde m'a rempli de vains désirs, et m'a privé de l'intelligence des choses spirituelles. La huppe continue, à l'égard de cet oiseau, son rôle de directeur spirituel. Ô toi, lui dit-elle, qui est dans l'ébahissement par l'effet d'une forme extérieure, toi dont l'esprit ne vit jamais l'aurore de la valeur réelle des choses, apprends que tu n'as pas cessé d'être nyctalope, et que tu es resté, comme la fourmi, étreint par une vaine apparence. Attache-toi au sens des choses, et ne t'inquiète pas de leur forme. Le sens est l'essentiel, la forme n'est qu'embarras. Sans sa couleur, l'or ne serait qu'un métal commun, cependant tu es séduit comme l'enfant par son attrayant éclat. L'or qui te détourne de Dieu est pour toi une idole, ah, rejette-la loin de toi sans hésiter. Mais la réponse de la huppe au septième oiseau ne s'arrête pas ici. Attard continue en ces termes le développement de ses préceptes ascétiques, revêtu du costume allégorique qui lui est familier. Chaque nouveau mois, il te faut donner le prix de ta boutique, et ce prix, c'est ton âme même. Mais ton âme précieuse et ta vie chérie te quittent avant que tu puisses gagner une seule obole. Dépense de tous côtés ce que tu possèdes, car il est dit, vous n'acquérez le bonheur qu'en proportion de votre générosité, Coran 3, 86. Il faut laisser tout ce qui existe, il faut même renoncer à la vie, car si tu ne peux y renoncer, tu ne renonceras pas non plus à la richesse et aux honneurs. Quand tu n'aurais qu'une couverture grossière pour le coucher, ce serait encore une barrière qui t'empêcherait d'entrer dans la vie spirituelle. Ô toi qui connais la vérité, brûle cette couverture, emblème de la double vue à l'égard de Dieu. Si tu n'oses brûler aujourd'hui cette couverture, comment te débarrasseras-tu demain, c'est-à-dire au jour du jugement, du large tapis qui te servira de linceul? Un huitième oiseau, c'est-à-dire le faucon, car il est clairement désigné par Attard, vient à son tour s'adresser à la huppe, et son discours rappelle celui qu'il tient dans l'allégorie de Mukadesi qui lui est consacré. Il se trouve heureux de demeurer dans un palais splendide où il est comme le roi des oiseaux. Comment irait-il s'exposer aux fatigues qui lui sont proposées? Aucun homme raisonnable, dit-il, n'abandonnerait le jardin d'Irem pour entreprendre un voyage pénible et difficile. La huppe gourmande le faucon sur ses goûts mondains, elle lui en fait sentir la vanité, et lui annonce que quelque magnifique que soit le château qu'il habite, la mort ne l'en fera pas moins sortir pour le confiner dans la prison de la douleur. N'as-tu pas vu, continue Attard, l'impatiente et vaine araignée, elle dresse par avidité un merveilleux filet, dans l'espoir qu'une mouche y tombe, et, dans sa prévoyance, elle se bâtit une maison qu'elle garnit de provisions à son usage. Lorsque la mouche se précipite, tête baissée, dans ce filet, l'araignée lui suce le sang. Ensuite elle laisse son cadavre se dessécher sur place, et elle continue à en faire sa nourriture. Mais tout à coup le maître de la maison où l'araignée a dressé son filet arrive le balai à la main. En un instant il anéantit le nid de l'araignée et la mouche. Or, le nid de l'araignée et la mouche représentent le monde et la subsistance que Dieu y a placé pour l'homme. Quand même tout le monde te serait dévolu, tu le perdrais en un instant de la même manière. Celui qui compte pour quelque chose le tambour et le drapeau de la royauté n'est pas derviche, il n'y a là que du bruit et du vent. En effet, le vent enfle le drapeau et le bruit sort du tambour, ces deux choses valent donc moins que la plus petite monnaie de cuivre. Ne fais pas tant caracoler le coursier de ta vanité, ne te délecte pas tant dans l'illusion de ta position élevée. Puisqu'il est impossible d'être distingué individuellement, il vaut mieux se perdre volontairement en Dieu et entrer tête baissée dans le tout. Il ne t'est pas possible d'être fier, humilie-toi donc, renonce à la légèreté, courbe ta tête et ne cherche pas la domination. À un neuvième oiseau que l'amour désordonné de la créature éloigne du Créateur, la huppe signale la différence qu'il y a entre l'amour divin et l'amour humain. Ô toi, lui dit-elle, qui t'es attaché à ce qui est visible, toi qui es entièrement demeuré dans le trouble qui en est la suite, sache bien distinguer l'amour de la forme extérieure de l'amour contemplatif de l'être invisible. L'amour charnel nous assimile aux animaux. L'amour qu'inspire une beauté passagère ne peut être que passager. Tu donnes le nom de lune sans décroissance à une forme extérieure composée d'humeur et de sang, mais il est une beauté qui ne décroît pas, et c'est une impiété de la méconnaître. Trop longtemps tu as erré auprès de la forme extérieure à la recherche de l'imperfection. La vraie beauté cachée, cherche-la donc dans le monde invisible. Un dixième oiseau n'ose entreprendre le pénible voyage qu'on lui propose, dans la crainte de périr. Ô faible et impuissant oiseau, lui dit la huppe, veux-tu n'être jamais qu'une charpente formée de quelques os munis de moelle? Sache que la vie, qu'elle soit courte ou longue, a toujours un terme prochain, car elle ne se compose que d'une aspiration et d'une respiration. Ne comprends-tu pas que quiconque naît, meurt, qu'il va en terre et que le vent disperse son corps? Tu as été nourri pour mourir, tu as été apporté en ce monde pour en être emporté. Que tu sois pur ou impur, tu n'es qu'une goutte d'eau pétrie avec de la terre. Comment voudrais-tu disputer à l'océan cette goutte d'eau? Il n'y a de remède à la mort que la mort. Celui même qui a tenu le monde sous le chaton de son anneau, Salomon, est actuellement comme un minéral sous la terre. Le guerrier qui de sa lance a atteint le firmament n'a pas tardé d'être enseveli dans la poussière du tombeau. Tous les morts dorment sous la terre, mais, quoiqu'endormis, ils sont troublés. Cette dernière phrase fait allusion à la doctrine musulmane des tourments de la tombe. On voit qu'Attar rappelle, toutes les fois qu'il en a l'occasion, les dogmes de l'islamisme, quand il peut les mettre en harmonie avec ses doctrines. La huppe continue ensuite son discours sentencieux sur l'existence et sur la mort. Tu t'es égaré à la recherche du mystère de la vie et de la mort, tâche de trouver ton chemin avant que la vie te soit enlevée. Si tu ne le trouves pas étant vivant, comment espères-tu atteindre ce grand mystère lorsque tu seras mort? Durant ta vie, tu ne peux le connaître, et à la mort, il n'y a pas trace de ton existence. Un onzième oiseau avoue à la huppe son insouciance pour les choses spirituelles. Il lui dit qu'il n'a jamais recherché que la boule, allusion à la boule du mail du monde, et qu'il hésite ainsi à entrer dans la voie du spiritualisme. Dans sa réponse, la huppe l'engage à ne pas désirer ce qui passe en un instant. Puisque, dit-elle, le monde passe, passe toi-même au-delà, abandonne-les, ne le regarde seulement pas. Elle lui dit aussi qu'il faut accepter avec reconnaissance de la main de Dieu les épreuves auxquelles il nous soumet, aussi bien que ses faveurs les plus excellentes. L'atome n'est jamais qu'atome. Si on le retourne, il prend une autre apparence, mais il n'en est pas moins un atome, et non la source brillante du soleil. Par l'atome, il faut entendre l'homme, et par le soleil, Dieu. Mais si l'atome se perd entièrement dans le soleil, il participera à son éternité. Un douzième oiseau, plus docile que les autres, confesse à la huppe sa répugnance à affronter les fatigues de la route, mais il lui déclare qu'il est néanmoins décidé à lui obéir et à se soumettre à sa direction. « Tu as raison de parler ainsi, » lui répond la huppe, « on ne peut attendre une plus grande perfection des créatures. Est-on, en effet, maître de soi-même, lorsqu'on suit ses propres caprices ? On est bien plutôt son maître, lorsqu'on obéit volontairement. Celui qui se soumet à l'obéissance est délivré des déceptions, il échappe à toutes les difficultés. Lorsque l'homme marche constamment dans l'obéissance, il agit conformément à la parole de Dieu. Celui-là n'est pas serviteur de Dieu qui se vante faussement de l'être, mais celui qui se montre fidèle au temps de l'épreuve, subit cette épreuve et signale ta fidélité. Un treizième oiseau se présente, celui-ci est animé des meilleures intentions, il veut agir sincèrement dans la voie de Dieu. Ce chemin, lui dit la huppe, n'est pas comme les chemins ordinaires, la droiture y suffit pour viatique. Celui qui se décide à le parcourir doit le faire paisiblement et avec simplicité. N'attache pas, à la lettre, ne coupe pas, tes deux yeux à la déchirure reprisée du monde, que dis-je, brûle entièrement ce que tu possèdes. Lorsque tu auras tout brûlé par tes soupirs enflammés, rassemble-en la cendre et assieds-toi dessus. Allusion à une pratique de pénitence usitée dans l'Inde. Alors seulement tu seras libre de toute chose. Arrive un quatorzième oiseau. Celui-ci apprécie plus que ses compagnons l'importance des choses spirituelles. L'entreprise que la huppe lui propose lui paraît digne de son ambition. Son corps est faible, dit-il, mais une noble ardeur l'anime. S'il n'est pas empressé à obéir aux préceptes de la religion positive, il n'en est pas moins zélé partisan des doctrines ésotériques. La huppe approuve dans sa réponse son interlocuteur, et elle cherche à exciter de plus en plus son zèle religieux. Celui, dit-elle, dont l'ambition spirituelle n'a pas remué le cœur, ne peut parvenir au royaume éternel. Le monde est comme un coffre où nous sommes renfermés, où nous nous livrons follement à nos passions. Lorsque la mort enlève le couvercle de ce coffre, celui qui a des ailes s'envole jusqu'à l'éternité. Quant à celui qui est dépourvu d'ailes, il demeure dans le coffre en proie à mille angoisses. Ne néglige donc pas de donner à l'oiseau de l'ambition spirituelle l'aile du sens mystique, donne du cœur à la raison et de l'extase à l'âme. Avant qu'on ôte le couvercle de ce coffre, deviens oiseau du chemin spirituel, et déploie tes ailes et tes plumes, ou bien, fais mieux encore, brûle tes ailes et tes plumes, et consume-toi toi-même pour arriver plus tôt. Le quinzième oiseau est plein de confiance en lui-même. Il se flatte d'aimer la justice et l'équité et d'avoir la fidélité en partage, aussi espère-t-il parvenir à la connaissance des choses spirituelles. La huple loue de ses bons sentiments. Il vaut mieux en effet, lui dit-elle, observer les règles de l'équité que de passer sa vie entière dans les prosternations et les génuflexions du culte extérieur. Sois donc attentif aux paroles de la justice et de la fidélité, écoute la lecture du Diwan des bonnes œuvres. Si tu es fidèle, entreprends le voyage auquel je te convie, sinon, retire-en ta main. Le 16e oiseau a besoin d'être encouragé. Il demande que la huppe répande pour lui à cet effet les paroles du sens spirituel et du mystère. La huppe se rend à ses désirs et s'exprime ainsi. Pour entrer dans le harem des secrets divins, il faut qu'on soit digne d'y être admis. Mais le chamelier, obligé de se tenir à l'écart, pourra-t-il être le confident du roi ? S'il y a dans le chemin spirituel un véritable derviche, étranger au monde, le contentement qu'il éprouve lui donne une confiante hardiesse. Il voit Rab, Dieu, en tout, il ne connaît pas la distinction de Rab et de Rob. Il est hardi par excès d'amour, et dans la folie que lui cause sa passion, il marchera poussé par son ardeur sur la surface même de l'eau. Cette dernière métaphore est peut-être un souvenir du miracle de Saint-Pierre marchant sur l'eau dans son empressement pour aller trouver le Sauveur, Matthieu 14, 29. Un 17e oiseau, qui paraît être le hibou, satisfait apparemment des réponses de la huppe aux difficultés élevées par ses compagnons, vient exposer les sentiments d'amour qu'il ressent pour Simorg et sa détermination à tout affronter pour aller le trouver. « Tant que je vivrai, dit-il à la huppe, l'amour de Simorg me sera agréable et cher. Séparé de tout, je réside loin de tout, mais je n'abandonne pas la prétention d'aimer cet être mystérieux. J'ai vu toutes les créatures du monde, et, bien loin de m'attacher à quelqu'une, je me suis détaché de toutes. La folie de l'amour de Simorg m'occupe seule et me suffit. Une telle folie ne convient pas à tout le monde. Le temps est venu où je dois tirer une ligne sur ma vie, afin de pouvoir partager la coupe de vin de ma bien-aimée. Alors je rendrai lumineux par sa beauté l'œil de mon cœur. Le discours de cet oiseau présomptueux n'inspire pas beaucoup de confiance à la huppe. Aussi lui fait-elle la réponse suivante. Ce n'est pas par des prétentions ni par des vanteries qu'on peut devenir commensal de Simorg au Caucase. N'exalte pas tant l'amour que tu crois ressentir pour lui, car personne ne peut prendre à son gré cet oiseau dans ses filets. Il faut que le vent de la félicité s'élève pour écarter le voile de la face de ce mystère. Alors Simorg la tirera dans sa voix, et il te fera asseoir tout seul dans son harem. Ton amour pour Simorg, sans réciprocité, ne serait qu'un tourment pour toi. Il faut pour ton bonheur que Simorg t'aime lui-même. Attar appuie d'intéressantes anecdotes cette doctrine, que dans l'amour de Dieu la créature doit être l'objet passif, qu'elle doit répondre à la grâce, mais que d'elle-même elle ne peut rien. Voici à ce sujet quelques singulières maximes d'Attar. S'il plaît à Dieu de te gratifier de son amour, c'est pour lui une sorte de jeu qu'il joue avec sa créature. Quant à toi, tu n'es rien et ne peux rien, l'union avec ton Créateur effacera ta nullité. Nous avons affaire actuellement à un 18e oiseau qui se flatte d'être arrivé à la perfection par de pénibles austérités, mais qui ne peut se décider cependant au voyage dont il s'agit. La huppe reprend vivement cet orgueilleux oiseau, pharisiens du spiritualisme, qui végètent dans les pratiques extérieures, sans s'occuper du but qu'elles doivent avoir. Elle lui dit entre autres choses, « Si une fausse lumière provenant de ton âme concupiscente se manifeste à toi, tu dois la considérer comme la piqûre d'un scorpion pour laquelle il faudrait employer du persil. N'accepte pas la lueur de cette impure lumière. Puisque tu n'es pas le soleil, ne cherche pas à être plus que l'atome. Si l'orgueil de l'existence ne te subjuguait pas, tu n'éprouverais pas de douleur d'être anéanti, mais il te faut la nourriture de l'existence, et, avec elle, l'infidélité et l'idolâtrie. Néanmoins, pendant cette existence, les flèches du malheur t'atteignent de toutes parts. Tant que tu vivras, en effet, tu devras plier ton corps aux douleurs de l'âme et courber ton cou sous cette adversité. Aussi longtemps que tu demeureras dans l'ébahissement et la séduction de l'orgueil, tu resteras éloigné de la vérité. Chasse la stupéfaction, brûle l'orgueil et les suggestions de la nature corrompue. Défais-toi de toute idée d'individualité, et deviens l'ennemi des deux mondes. Un 19e oiseau demande des renseignements précis sur le voyage que la huppe lui proposait qui excite ses alarmes. Il voudrait une direction spéciale, une sorte de grâce efficace qui lui aplanit toute difficulté. Dans sa réponse, la huppe fait allusion à la grâce suffisante, en prêchant le contentement à cet oiseau inquiet, et elle lui recommande de chercher à se corriger de ses propres défauts sans s'occuper de ceux des autres. Un 20e oiseau s'enquiert de ce qu'il pourra demander à Simorgue. La huppe lui répond que la meilleure chose à lui demander c'est lui-même. Celui, ajoute-t-elle dans le langage allégorique d'Attar, qui a senti l'odeur de la poussière du seuil de sa porte pourrait-il jamais s'en éloigner? Mais tant que le paradis et l'enfer seront sur ta route, comment connaîtras-tu le secret que je t'annonce? Lorsque tu laisseras ces deux choses, l'aurore de ce mystère s'élèvera de la nuit. Renonce donc, comme les hommes spirituels, au paradis et à l'enfer, passe au-delà sans y attacher ton cœur, et lorsque tu y auras renoncé et que tu en demeureras séparé, serais-tu femme, que tu deviendrais un homme spirituel. Le jeu de mots qui termine cette dernière tirade d'Attar rappelle l'idée défavorable qu'ont des femmes les musulmans. L'état d'asservissement où ils les tiennent généralement détruit en effet souvent en elles toutes les vertus, et les remplace par tous les vices. Les contes arabes, miroirs fidèles des mœurs de l'Orient, sont pleins des traits de la sottise et de la perfidie des femmes musulmanes. Dans les ouvrages sérieux, le sujet est traité gravement. C'est ainsi que nous lisons dans Willa, l'historien hindoustani de Chercha, les sages ont dit qu'on ne doit pas avoir confiance aux femmes, qu'il ne faut pas leur confier son secret ni les consulter sur aucune affaire, et qu'il est surtout essentiel de leur cacher son trésor. Celui, ajoute-t-il, qui est épris d'amour pour une femme au point d'être dominé par sa passion, doit au moins le lui laisser ignorer, pour qu'elle n'en abuse pas. Lorsqu'une femme comprend qu'on s'est laissé prendre dans le filet de son amour et qu'on ne peut vivre un instant sans elle, elle ne vous obéit plus, que dis-je, elle vous considère comme son esclave. Les sages disent que les femmes sont à la fois remarquables par leur manque d'intelligence et par leur ruse et leur fourberie. Mais revenons à nos oiseaux, ou plutôt aux réflexions dont Attar accompagne le dernier discours de la huppe, et qu'il place ici dans la bouche de Dieu. Tout ce qui est dans le monde, bon ou mauvais, visible ou invisible, tout cela peut changer, si ce n'est moi-même, qui n'est ni remplaçant ni pareil. Puisque rien ne peut m'être substitué, ne cesse pas d'être avec moi. Je suis ton âme, ne te sépare pas de moi. Je te suis nécessaire, tu es dans ma dépendance, ne sois pas un instant insouciant au sujet de l'être nécessaire. Le monde visible te vend son néant, quant à toi, prends garde de ne pas vendre Dieu pour rien au monde. Tout ce que tu lui préfères est une idole qui te rend infidèle. Nous avons actuellement affaire à un 21e oiseau qui demande à la hupe de lui désigner un rubis précieux à porter à Simorgue et qui puisse lui être agréable. On sait en effet qu'on ne se présente généralement pas, en Orient, devant un roi ou même un supérieur sans lui offrir un présent, nommé en persan Nazar, et en Hindoustaniban, sorte de tribut par lequel on reconnaît sa dépendance. Ce fut ainsi que les mages, qu'on appelle rois, non pas qu'ils le fussent réellement, mais parce qu'on donne ce titre aux sages dans l'Orient, que les mages, dis-je, offrirent chacun un présent au sauveur, le premier de l'or, le second de la myrrhe, et le troisième de l'encens, produit de leur pays, et qui représente la charité, l'austérité, le désir, et par lesquels les mages reconnaissent Jésus-Christ comme roi, spirituel, et comme homme-dieu, ainsi qu'il est dit dans la belle prose de l'épiphanie de nos admirables liturgies de Paris et de Lyon, si supérieures à celles de Rome, et auxquelles Parisiens et Lyonnais nous sommes si fidèlement attachés. Or, je ferai remarquer en passant que l'or qu'on a supposé en poudre ou en lingot devait être plutôt monnayé, comme il était d'usage de l'offrir dans l'Indo-Sultan de Delhi. Le mot, chrysos, or qui est employé dans le texte de l'Évangile, signifie une pièce d'or aussi bien que de l'or en général. Si tu veux m'obéir, répond la huppe au dernier oiseau qui l'a interrogé, tu porteras ce qu'on ne trouve pas au pays de Simorgue. Est-il, en effet, convenable d'y porter ce qu'il y a déjà? Là se trouve la science, là se trouvent les secrets, là se trouve l'obéissance des êtres spirituels. Porte-y donc abondamment l'ardeur de l'âme et la peine de l'esprit, car personne ne doit donner là autre chose. Les soupirs d'amour qui y parviennent y portent le parfum du cœur. Enfin, le 22e et dernier oiseau de la série de ceux qui demandent à la hupe des explications et des conseils particuliers sur le voyage mystérieux et lointain qu'elle leur a proposé, prend la parole et demande des renseignements positifs sur la route, dont la longueur et la difficulté l'effraient. Markemdanarchive.org 2021, d'après Gallica BNFFR, licence Creative Commons pas d'usage commercial, partage à l'identique.